Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 19. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 15 janvier 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Michel Vaillant, tu es gros diesel, tu es pied au plancher, tu es fou du volant, tu es starter et tu es aussi... Oui, si on arrive à démarrer, l'ami, tu l'auras compris ce matin, tu es bagnole, tu es voiture. Tous les jours, les Français se déplacent en voiture sur une distance moyenne de 30 km. 30 millions de véhicules sont en circulation et il y a quelques jours, une nouvelle enquête a révélé qu'en France, il y a 2 500 000 personnes qui conduisent leur automobile sans permis. Un potentiel global qui a de quoi exciter le ministère de l'Intérieur. Alors, à l'heure où il faut plus que jamais être prudent au volant, nous nous sommes demandé au Mangin Palace quelle place occupait exactement la voiture dans la vie des Français. Eh bien, dans l'heure qui vient, on va tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de ta bagnole. Pour commencer, il faut essayer de se souvenir des différentes représentations de la voiture dans l'imaginaire populaire des Français au XXe siècle. Ensuite, il faudra se rendre à l'évidence et admettre qu'une voiture ne sert pas qu'à se déplacer. On enchaînera sur une interview exclusive d'Alain Prost qui viendra nous parler de la déesse mythique de ses parents. Puis, nous avons tenté d'imaginer quelle relation tu peux entretenir tout au long de ta vie avec une voiture et enfin te raconter cette virée nocturne en automobile qu'ont vécu Monique et Jean-Claude il y a quelques jours. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et sois lascif dans la cuisine. What you are. You're the first, the last, my everything. Tel un éléphant bleu, Barry White, en 1974. Tu es la première, la dernière, tout pour moi. C'est un peu ce que pourrait déclarer à sa première caisse un ado qui vient d'avoir son permis. Alors, cette semaine, justement, la panique au Mangin Palace s'intéresse aux voitures et, pour commencer, il faut le dire, une automobile, eh bien, c'est simplement un engin qui se déplace par lui-même, un vieux fantasme des sociétés humaines de ne plus dépendre de la force motrice du cheval. Le premier à créer un engin se déplaçant seul, c'est Joseph Cugnot, qui, en 1769, fait rouler un gros chariot à une vitesse de 10 km/h. Le fardier de Cugnot est propulsé grâce à la vapeur. Mais l'aventure automobile démarre véritablement à la fin du 19e siècle et tient alors autant de l'artisanat que de la passion. Le vrai problème, c'est de trouver une alternative à la vapeur. En 1860, Étienne Lenoir met en place un moteur à explosion fonctionnant au gaz d'éclairage, pourquoi pas. Mais le grand changement a lieu en 1886 en Allemagne avec la mise au point du moteur à explosion à pétrole inventé par Carl Benz. Carl Benz met donc au point le moteur à explosion à pétrole en 1886 et c'est l'aventure de l'automobile qui s'accélère. Les modèles produits sont alors uniques et la voiture est plus que jamais un marqueur social et un objet de différenciation. Mais avec le taylorisme et le fordisme, la voiture se démocratise. La mythique Ford T est vendue à 15 millions d'exemplaires entre 1908 et 1925. Et oui, dans l'entre-deux-guerres, la voiture envahit les routes et les paysages. Ainsi, pendant 11 ans, de 1925 à 1936, les 7 lettres de Citroën sont affichées en lumière sur la tour Eiffel. Et en 1936, justement, avec le Front populaire et les congés payés, la voiture devient l'engin le plus adapté pour aller au bord de la mer avec toute la famille. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon, mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto, car posséder une voiture a été le rêve de millions de Français dans l'entre-deux-guerres. La voiture est devenue un symbole de réussite sociale dans une France alors marquée par la dépression. La Seconde Guerre mondiale freine l'envol de la production de voitures. Enfin, pas de toutes les voitures. Certains modèles débarquent et connaissent même un franc succès. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, hip, hip, hourra. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. Et quand le jour viendra, la guerre finira, je garderai ma chip en criant hip, hip, hip, en criant hip, hip, hip, hourra. Hip, hip, hip, hourra. La Jeep, c'est le véhicule symbole de la libération de la France en 1944. Et l'image du GI posant la clope aux lèvres dans une Jeep décapotable fait partie de notre mémoire collective. Après la Seconde Guerre mondiale, la voiture a pleinement profité du redémarrage économique des Trente Glorieuses. Plus que jamais, le secteur de l'automobile est lié à la croissance. La France se couvre d'autoroutes et le parc automobile explose. Il faut réglementer tout ça et il est urgent de donner, dans la série des émissions Documents, des conseils aux conducteurs et aux conductrices. Dans la série des émissions Documents, la radiodiffusion télévision française présente Attention, route glissante, une émission de Claude-Henri Salaire. Voilà, je voudrais maintenant vous citer les 15 conseils donnés par Paul Rivet dans son ouvrage Psychologie de l'automobiliste et sécurité routière. Quelques distractions qui peuvent avoir des conséquences graves. Par exemple, chasser un insecte qui s'est introduit dans la voiture, manger ou boire en conduisant, allumer une cigarette, un cigare, une pipe, se frotter les yeux, écouter la radio, tourner les boutons du poste, rêvasser, jouer avec un enfant ou un chien, conduire du bout des doigts, se mirer dans le rétroviseur, pour les conductrices seulement, s'absorber dans la lecture des appareils de bord, les conductrices sont exclues, regarder attentivement un piéton, le sexe n'est pas précisé, lui faire des signes, se détourner pour admirer le paysage, pour contempler un objet ou un spectacle quelconque, se pencher pour jeter un coup d'œil sur un journal, un guide, une carte, causer avec un passager, surtout en détournant la tête, s'intéresser de trop près à une passagère. Le 15e, celui-ci peut paraître une gaudriole, et nous nous en excusons, mais il s'agit de faits qui ne sont pas absolument exceptionnels. Un psychiatre suisse, le docteur Répond, s'est montré plus pessimiste à ce sujet. Il estime qu'indépendamment de la distraction causée par la conversation ou par un geste affectueux, la seule présence d'un couple d'amoureux à l'avant d'une voiture constitue un facteur de prédisposition aux accidents. La seule présence d'un couple amoureux comme facteur de prédisposition aux accidents, bien sûr. Alors voilà, dans les années 50 et 60, la voiture dépasse le simple statut d'engin servant à se déplacer. La voiture est un mode de vie et surtout le marqueur d'une époque. Oui, la voiture, quand tu es tendance, ta bagnole quoi, elle est batte. Une petite MG, trois compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière, là. Nouvelle vague, la voiture n'est donc plus la grosse traction noire de papa, mais plutôt la Porsche 550 Spyder de James Dean. Enfin, il faut tout de même nuancer, car sur les routes, quand tu venais d'avoir ton permis, tu roulais rarement dans un bolide, mais plus souvent dans une vieille bagnole. Moi, je roule dans une épave, une bagnole toute pérave, elle a les pneus tout lisses, et quand il pleut, ça glisse, plus de phare et plus de rétro depuis bientôt 10 ans, et les trous tout du long. C'est une vraie tigresse, et dans tout le quartier, les gens la reconnaissent à son petit bruit singulier. Elle bouffe du mazout et de l'huile à coco. Et quand je pars sur les routes, c'est comme au casino. Rouler, c'est comme jouer au casino. À la différence qu'aujourd'hui, rouler, ça coûte un peu plus cher. Alors, que nous reste-t-il de nos vieilles bagnoles? Eh ben, pas mal de nostalgie. On les aimait bien, nos vieilles caisses. Mais il faut dire que les voitures sont autant liées à notre mémoire individuelle qu'à la mémoire collective. Et puis, le secteur de l'automobile, c'est le symbole des 30 glorieuses, des années de croissance. Alors, quand le 31 mars 1992, tu entends ce flash sur France Inter, tu te dis que ce n'est vraiment pas bon signe. France Inter. L'usine Renault de Billancourt ferme ses portes aujourd'hui. L'usine de Lille-Séguin était le berceau de la régie. Vendredi, la dernière voiture, une Super 5 blanche qui ira rejoindre le musée de la régie, est sortie des chaînes. Billancourt, c'était surtout un symbole, celui de la contestation ouvrière, des grèves de 36 ou de 47. Billancourt, c'est la fin d'un siècle industriel, social et politique de la France. Depuis 1929, près d'un million d'hommes et de femmes ont travaillé dans cette usine qui a employé jusqu'à 40 000 ouvriers. Il y a 2 ans, au moment de l'annonce de sa fermeture, il n'était plus que 3 600. Et oui, la fermeture des usines Renault à Billancourt marque la fin d'une époque, celle d'un monde ouvrier actif, d'un temps où les voitures n'étaient pas pleines d'électronique, mais faisaient sans doute plus rêver qu'aujourd'hui. D'une époque où ta bagnole pouvait aussi t'entraîner avec Sal Paradise et Dean Moriarty sur une route où il y aurait de l'alcool, de l'errance, des filles, des visions, de l'espace, tout quoi. Sur la route. Sur la route, sur la route, sur la map monde à vol d'oiseau, on s'est dit qu'on peut gagner gros, qu'on a le ciel dans une goutte d'eau, on cherche tous un bon destin, la vie s'écoule entre nos mains, la joie, la peine, notre chemin. Traverser la vie sans billet de train. Traverser la vie sans billet de train. Sur la route. Sur la route. La solitude, la mauvaise tête. Ça fait rêver la liberté. Jurer qu'on ne s'ennuiera pas. Quand on aura du bien, tu vois. Et ce bonheur qui nous traverse pour un simple morceau de pain. Si tu as faim, prends le mien. Sur la route, sur la route, sur la route, sur la route, sur la route. Ça y ressemble bien. la faute. Parfois j'aimerais être un oiseau, pouvoir cracher le plus haut, voir les maisons et les campagnes, et mieux leur tourner le dos. On ira vendre nos sacs de roses, on prendra le train du matin. Sur tous les murs, il y aura écrit de la justice, pas la vengeance, de la justice, pas sur la route. Sur la route, c'est ce que chantent ensemble Raphaël et Jean-Louis Aubert en 2003 sur un album intitulé La Réalité. Parce que sur la route en voiture, la réalité c'est surtout Gendarmerie Nationale, contrôle des papiers du véhicule. Voilà. Alors pour continuer notre enquête sur la place qu'occupe la voiture dans ta vie, après avoir survolé l'histoire des représentations de l'automobile dans la culture populaire, il faut maintenant se rendre à l'évidence et admettre qu'une bagnole ne sert pas qu'à se déplacer, elle peut avoir d'autres utilités. Quelles sont donc les autres fonctions de ta voiture ? Certes, une voiture te sert essentiellement à gagner du temps, pour te rendre d'un endroit à un autre. D'ailleurs, c'est parfois bien pratique. Rien de mieux qu'une voiture quand il faut à la fois récupérer Kevin qui sort de son cours de judo et déposer Allison qui a rendez-vous au Balto pour boire un diabolo avec ses copines. Rien de mieux non plus qu'une voiture quand il s'agit de se rendre dans la fabuleuse zone d'activité commerciale pour faire ses courses chez Carouf. Cela dit, une bagnole, c'est aussi un moyen efficace de pouvoir transporter en toute discrétion certains objets encombrants. Le mieux, c'est de dessiner un croquis pour te l'expliquer. La Cadillac. Et oh, voilà. Le pare-choc. Schématisé, mon vieux, schématisé. Oui, mais attendez, attendez, le pare-brise, la petite capote. Et voilà. Bon, la Schnouf. Où est-elle? Dans les ailes arrières. Pagne. Et l'or? Le pare-choc avant et le pare-choc arrière, le tout, évidemment, recouvert de chrome. Bon, les bijoux de Baalbek, diamant, émeraude, rubis, dans la batterie. Double fond en bakélite, parfaitement raccordé à la pièce. Et ce plan génial, messieurs, est signé... Saroyan. Et le Yukunkun, il est aussi dans la batterie? Non, monsieur. Le Yukunkun, le plus gros diamant du monde, il est là. Bien sûr, le Yukunkun se trouve toujours dans le klaxon. Donc, une voiture peut aussi servir aux malfrats pour déplacer leurs cams et leurs trésors. En général, ils ont de grosses bagnoles puissantes et rutilantes parce qu'un gangster sait très bien qu'une voiture possède également la fonction de définir ta position sur l'échelle sociale. Une Jaguar à l'air roulant. Une Jaguar à l'air roulant. Un Playboy à son volant. Qui serait tout contre lui? Qui serait tout contre lui? Une fille qui disait Johnny. Ha, ha, ha, ha. On roule à près de 200. On roule à près de 200. Laisse tes mains sur le volant. Mais que ferait-il de ses deux mains s'il n'était pas à 200? Alors oui, posséder une voiture, c'est également l'occasion de pouvoir rouler des mécaniques. Avec une très belle caisse, tu peux crâner. Mais pour cela, il faut prendre le temps de la bichonner, d'astiquer la carrosserie avec une peau de chamois pour qu'elle soit nickel. Ou mieux encore, si tu veux véritablement flamber avec ta bagnole, il faut lui offrir un équipement haut de gamme et très personnalisé. Le salon du tuning, c'est avant tout une rencontre de passionnés. De toute manière, je suis à fond dedans moi aussi. L'adrénaline quand on déboîte ou quand on freine trop tard. J'ai un 205, ouais. Tu as lecteur 4 en 1, ligne d'échappement Sebring. Ça m'a revenu à 100 000 francs. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. Il y en a pour une petite fortune, non seulement parce que les pièces sont spécifiques. Le véhicule tel que présenté peut être estimé à autour des 200 000. Concours de sono autoradio, les enceintes s'emparent des coffres. Là, ça décoiffe, là, quand on met la tête à l'intérieur. Important aussi pour draguer les filles, dans le salon des pom-pom girls, tenues courtes, sourires aguicheurs, dansent dans les allées et les podiums. Elles sont là pour créer cette convivialité, cette ambiance et puis mettre le feu en quelque sorte. On met le feu avec les voitures, en dansant, en bougeant, en criant, tout ce qu'il faut quoi. On est là pour les filles nous. Ah ouais, parce que les voitures, franchement, on peut pas les acheter, on n'a pas les moyens. Elles sont mignonnes, ils ont un beau corps, ils bougent bien, ils ont des gros nichons. Regardez-moi ça, ils sont mortels. Faut exprès de mettre des strings à chaque fois. 50 ans après la fureur de vivre, le sexe, les voitures, la vitesse, le son enthousiasment toujours les jeunes. Ah oui, le tuning c'est, comment te dire, frôler le bon goût sans jamais y tomber. Et en plus, ça coûte une fortune. D'ailleurs, posséder une voiture a aussi pour fonction de te faire cracher l'oseille. Ça débute toujours par un crédit en leasing pour l'achat, puis l'assurance, le contrôle technique, le carburant qui flambe, les contraventions, autrefois la vignette. Bref, l'industrie automobile, c'est une vache à essence pour l'économie d'un pays. En France, par exemple, l'automobile, c'est le premier secteur industriel. C'est pourquoi, pour éviter le gouffre financier, il faut toujours être à l'affût des bonnes occasions quand tu veux acheter une bagnole. Georges, tu dors ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je t'ai pas dit. Cet après-midi, on faisait les magasins avec Christelle. On est passé devant chez Citroën et on a vu une GS toute neuve affichée à 2294 francs. Quoi ? Comment tu dis ? 2294 francs ! J'ai même fait remarquer à Christelle que toi-même, tu m'avais dit que ça valait 1 600 000, mais où vas-tu ? Chez Citroën. Mais il est minuit et demi ! Une GS Espriale, ça n'a pas duré, faut pas perdre de temps. Mais Georges, enfile-moi ton pyjama ! Et oui, la voiture, ça rend dingo. Au volant, par exemple, certains nous révèlent leur véritable nature. Mais allez, pousse-toi de là, 77, tu sais pas conduire, bouseux ! La voiture, c'est également un espace où parfois, tu vis des trucs autres que la conduite. Les mômes s'y chamaillent toujours et insupportent papa qui conduit et qui se fâche. Tiens, tu l'as pas volé ! Par ailleurs, il arrive que d'autres finissent leur nuit sur la banquette arrière, dans leur voiture. Soit parce qu'ils sont à 3,14 g, et c'est mieux comme ça, soit parce que, comment dire, c'est chaud bouillant dans la bagnole. Une fille aime un garçon dans une voiture volée, près d'une villa bidon sur une zone en danger. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange quand leur corps se mélange dans la lumière étrange. Sur le parking des anges, deux anges au petit jour ont fait l'amour sur le parking des anges. Eh oui, qui n'a pas déjà roulé des pelles dans sa bagnole, voire plus, hein ? Je te le demande, ami du Mangin Palace. Il se passe des tas de choses dans une voiture. Alors, pour enrichir notre regard sur le monde de l'automobile, nous avons joint cette semaine au téléphone un quadruple champion du monde de Formule 1, vainqueur de 51 Grands Prix pendant sa carrière, à savoir le pilote Alain Prost, surnommé le professeur. Pour commencer, nous lui avons demandé s'il se souvenait de la voiture que possédaient ses parents. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. VIP. Je m'en souviens très très bien. Bon, la voiture que je pense on peut pas oublier, enfin, en tout cas moi j'oublierai jamais, c'est la DS quoi. C'était leur vraie première voiture, je dirais, enfin, de luxe, hein, d'une certaine manière. Et c'était celle que j'ai conduite d'ailleurs en premier en ayant le permis de conduire et que j'ai cassée, malheureusement. Voilà. Vous l'avez cassée ? Bah, je l'ai cassée, je l'ai un peu abîmée, oui. J'ai un peu abîmé dans circonstances un peu particulières en conduisant la voiture avec des tongs, ce qui n'était pas très, très raisonnable. Et me suis un peu emmêlé les pieds pour freiner, comme c'était, vous savez, sur la DS, le champignon, ça freinait quand même assez fort, c'était les premiers freins vraiment très assistés, et puis j'ai bloqué les roues, c'était sous la pluie, donc j'ai abîmé un peu la voiture à l'avant. Voilà, je m'en rappelle vraiment, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie, et je cherche d'ailleurs une très bonne DS aujourd'hui, si j'avais une voiture de collection à avoir, c'est ça, certainement celle-ci que j'aurais. Donc voilà, c'est un appel aux auditeurs du Mangin Palace. Alain Prost est à la recherche d'une DS, tu peux nous écrire. Nous transmettrons tes propositions aux champions. Alors, par ailleurs, Alain Prost, malgré toutes ces limitations de vitesse sur la route, est-ce qu'il ne vous arrive pas encore aujourd'hui d'avoir envie de pousser un peu votre bécane comme vous le faisiez à l'époque sur un circuit ? Pas du tout, pas sur la route, parce que on a trop été habitué et grisé par la vitesse sur circuit et surtout par des vraies voitures de course. Moi, j'ai jamais eu, par exemple, de voiture de sport. Je suis contre les voitures de sport. À titre personnel, ce sont des voitures qui ne m'apportent rien parce que par rapport à ce que j'ai conduit sur la piste, c'est un monde d'écart. Elles sont fades pour vous un peu en fait. Bien sûr, moi ce qui m'intéresse, et d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que dès le début, je dirais, de la F1 notamment, on a toujours eu des voitures confortables. La voiture, c'est un moyen de locomotion. Il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit sûr, il faut que ce soit fiable. Il faut qu'elle soit justement, enfin un peu, peut-être le design, tout ça, bien sûr, ça a une importance. Mais la vraie qualité de ma voiture, c'est qu'elle m'amène d'un point en autre à toute sécurité, avec le moins de bruit possible, avec une bonne radio à l'intérieur, avec de l'espace, parce qu'on emmène toujours plein de bagages. Moi, j'ai mon vélo, de temps en temps, j'ai eu beaucoup mes clubs de golf. Donc, voilà, ça sert à ça. Alors maintenant... C'est sûr que il y a le côté frustrant aujourd'hui de se dire à 1h du matin quand on est sur une autoroute, il faut rouler à 130 et qu'on pourrait rouler facilement à 200 en toute sécurité. Ça, c'est le côté frustrant, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Et c'était Alain Prost pour La Panique au Mangin Palace. Queen, but I don't remember her. On a wall of white and blue, I wrote my name and thought of you, but you would not have known. Through the window of a car, the cigarettes, a fallen star, a dream within a trail of sparks. And conversation turns to sleep, and I'll wait for you to speak. I'm waiting still. So for the restless, not the peaceful sleeper, the song's for. And for the faithless, not the true believer, the song's for. Keep my secrets well, move on and never tell. Someday they'll show. You raised me to be cruel, you raised me like a bruise. I'm bleeding still. So for the restless, not the peaceful sleeper, the song's for. Beauty queen, now I remember her. And everything your love will break, you're running out of things to make you feel alive, alive, alive, For the Restless, chante Tom McRae en 2005 dans l'album All Maps Welcome, parce qu'en voiture, quand t'es un peu paumé, ben toutes les cartes routières, elles sont bienvenues. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers de l'automobile, après avoir eu la nostalgie des vieilles bagnoles et après avoir constaté qu'une voiture ne sert pas seulement à se déplacer, nous pouvons maintenant, à 11h34, nous intéresser aux relations de la bagnole à différents moments de la vie. C'est tout jeune que notre relation à la voiture se met en place. En effet, l'adolescent, s'il est de sexe masculin, est souvent fasciné par les voitures, surtout si elles sont rouges, coûtent cher et roulent très vite. À 16 ans, on veut la conduite accompagnée, à 18 ans, on veut le permis, car dans la bande de copains, la voiture peut devenir rapidement un objet de rivalité. Est-ce que tu as une bagnole ? Je conduis, mais... Ah ouais. Et toi, t'en as une ? Qui, moi ? Ouais. Pourquoi tu demandes pas à Doudy ? C'est bien ce que je pensais. Alors bouclez-la et regardez. Regardez cette voiture. Elle peut devenir un bijou de mécanique, c'est vrai. Je sais ce que je dis. Johnny ? Oui, cette bagnole pourrait être systématique. Hydromatique. Ultramatique. Et on l'appellerait super éclair. Super crème. We'll get some overhead lifters and four-barrel pods, oh yeah. Keep talking, we'll keep talking. Fuel injection cut up and chrome-plated rods, oh yeah. We'll get her ready, you'll do get her ready. With the four-speed on the floor, never waiting at the door. Bien sûr, on l'appellerait super éclair. L'adolescent est vite obligé de limiter ses ambitions à la R5 d'occasion que lui ont dégoté ses parents. Mais bon, peu importe, l'important c'est que ça roule. Les années passent, on vieillit et notre relation à la voiture change un peu. À l'âge où la recherche de l'âme sœur rivalise avec le désir de rencontrer l'histoire d'un soir, la voiture devient un instrument de drague incomparable. Il suffit de coincer la donzelle désirée et de lui susurrer « Viens, je t'emmène avec moi. » Balade, tu laisses tout, on s'en va en balade. Ma Bugatti Sport de 1930 n'attend plus que toi. Crois-moi, tu seras contente. Paris Deauville en 4 heures, c'est extra. Une Bugatti Sport de 1930, mais bien sûr, elle va peut-être faire un peu la tronche, la donzelle, en voyant que la Bugatti en question est en réalité la vieille R5 d'occasion qui, elle, ne risque pas de faire Paris-Deauville en 4 heures. Mais bon, peu importe, l'important, c'est que ça roule et qu'il y ait des banquettes à l'arrière. Et puis, un jour, c'est l'amour, et là encore, la voiture joue un rôle primordial. C'est elle qui te permet de rejoindre ta belle, partie, cette idiote, à l'autre bout de la France. Elle file, file, file, file, la route qui va vers toi. Alors voilà, tu as rejoint la belle personne. Les années passent, la relation se consolide et vous vivez maintenant ensemble. La vieille R5 a été vendue et arrive alors le temps des projets. Parfois je m'imagine sur la route des vacances, en bon chef de famille au volant d'un monospace. Avec un cercle en plastique, on appuie dessus, ça sort, ça fait porte-gobelet. Et un truc très pratique pour ranger les pièces de monnaie. Le monospace a remplacé le break dans le palmarès des voitures familiales. Car avec la naissance des enfants, la relation à la voiture change encore une fois. Déjà, il faut le souligner, pour les mioches, le premier rapport à la voiture, c'est un peu ça. Bumbo, bumbo, petite automobile, pile, tu parais si fragile, chile, sous ton drôle de capot. Et oui, les petites voitures sont aujourd'hui encore un des jeux préférés des enfants. Mais quand il s'agit de voyager dans une vraie voiture, c'est tout de suite différent. Parce que les enfants et la voiture, ça ne fait pas toujours bon ménage. Après avoir mis deux plombes à harnacher le môme sur son siège, tu peux enfin prendre la route. Mais bon, pas pour longtemps, parce que très vite, l'enfant, il te demande de t'arrêter. Je suis malade, complètement malade, je suis malade, parfaitement malade. Et puis, les années passent, les enfants grandissent et la relation à la voiture change à nouveau. Fini la R5 ou le monospace, maintenant, c'est une belle routière, c'est une berline. Mais attention, dans une grosse voiture, il est facile de sombrer dans l'excès de vitesse. Et là, rien ne va plus. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, contrôle des papiers du véhicule. Alors on se range sur le bas-côté, on coupe le contact, on baisse la musique et on écrase la cigarette bizarre. Alors carte grise vous n'avez pas, station d'assurance vous n'avez pas, la vignette vous n'avez pas non plus. Je vais vous demander de me suivre jusqu'à la camionnette s'il vous plaît. Et merde. Et voilà, c'est le retrait de permis. Alors face au retrait, il y a deux comportements possibles. Primo, il y a ceux qui arrivent à se passer de la voiture. Ceux-là, ils sont un peu nerveux les premiers temps, ils se grilleraient bien quelques kilomètres de temps en temps, mais non, ils ont trop peur de replonger, alors ils mâchent des chewing-gums. Et puis, secondo, face au retrait de permis, il y a ceux qui rechutent, les accros, qui, après une journée un peu compliquée, cèdent à la tentation et se remettent à conduire. Un tour de clé et je démarre. Devant mes yeux, il y a comme du brouillard. Tantan, le moteur se met à rugir. J'ai pas le permis, mais je sais conduire. Et ça continue encore et encore. crois que j'ai bu. D'accord, d'accord. Quelque chose vient me heurter, un chevreuil ou un sanglier, c'est toujours la même bête qui passe. Putain, quand je suis au volant de l'espace, faut personne devant. Personne. Faut personne devant, ça c'est sûr. Le temps passe et c'est notre destin à tous, mortels que nous sommes, nous vieillissons. Les enfants sont partis, nos envies de vitesse nous ont quittés avec la prostate, et maintenant la voiture ne sert plus qu'à faire des balades et du tourisme dans les belles régions de France. Et c'est l'aventure dans les relais châteaux à moins de 60 km/h, le bonheur. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne. Toute la nuit, le moteur vrombrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Avec la retraite, c'est une nouvelle façon de conduire qui s'installe. Mais que cela soit dit ici clairement, être âgé ne signifie nullement la fin de la relation à la voiture. Loin de là, car l'automobile, de l'adolescence au mariage, des enfants à la retraite, accompagne notre vie et même plus. Maintenant, les corbillards tombent au grand ouvert. Emporte les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. Et oui, quand tu y réfléchis, la voiture, c'est pour nous tous le dernier véhicule. Alors bien sûr, le corbillard, c'est souvent un break un peu sinistre. Mais bon, pourquoi pas imaginer que ta dernière voiture soit, je ne sais pas moi, une Ford Mustang par exemple. On se fait des lignes Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Mas. À gauche. Kang. À droite. Et à gauche, à droite. Un essuie-glace, un paquet. Cool un badge. Avec un inscrit dessus. Keep cool. Une barre de. Bang. On embrasse les platanes. Mas. À gauche. Tang. À droite. Et à gauche, à droite. Une bouteille de fluid make-up. Un flash. Un browning. Et un pick-up. Un recueil. Dead capo. Zippo. On se fait des lames en Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Mas. À gauche. Chang. À droite. Et à gauche, à droite. Un numéro de Superman. Un écrou de chez Paco Rabanne. Une photo de Marilyn. Un tube d'aspirine. On se fait des langues en Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Mas. À gauche. Ford Mustang, chanson interprétée par le génial Gainsbourg en 1968 sur un album intitulé Initial Bébé qui, elle, préférait la moto parce qu'en Harley Davidson, évidemment, elle ne reconnaissait plus personne. Alors, après avoir essayé de décrypter quelle relation tu entretiens tout au long de ta vie avec la voiture, il est temps maintenant, à 11h45, de retrouver nos deux héros qui vivent constamment à 100 à l'heure, à savoir, bien entendu, les sympathiques Monique et Jean-Claude. Tout d'abord, il faut que tu saches que depuis longtemps déjà, Jean-Claude adore les bagnoles. Il ne rate jamais un numéro du magazine Turbo sur M6. Jean-Claude, c'est le genre de mec qui, en un coup d'œil, peut te dire combien ta caisse est cotée à l'Argus. Avant-hier, à l'heure du déjeuner, Jean-Claude se baladait avec un collègue du bureau quand, tout à coup, ils sont tombés sur la vitrine d'un concessionnaire Mercedes-Benz. Jean-Claude, il est devenu dingue. Et regarde un peu cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Il est trop fort pour rouler avec ça. Et la chose que je pense, ça fait telle essence. Je perds subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Après son après-midi de boulot, vendredi soir, Jean-Claude savait qu'il devait passer prendre Monique en voiture pour aller dîner chez un couple d'amis et taper le carton pour leur traditionnelle partie de bridge. C'est alors qu'en sortant du bureau, Jean-Claude s'aperçoit avec effroi que sa voiture a disparu. Horreur, il se précipite vers une pervenche et lui fait part de son désarroi. Je cherche après Titine, Titine, oh Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, oh Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Aïe, aïe, aïe. En réalité, Titine se trouve quelques mètres plus bas dans la même rue. Jean-Claude avait tout simplement oublié l'endroit où il s'était garé le matin même. Cela dit, il a quand même chopé une prune, 35 euros et... Comme d'habitude, Jean-Claude glisse alors son nouveau PV sous l'essuie-glace du 4x4 qui se trouve devant lui. On ne sait jamais, ce pignouf pourrait bien payer sans s'en apercevoir. Heureux et soulagé d'avoir retrouvé sa voiture, Jean-Claude démarre et file retrouver Monique qui doit déjà l'attendre. Coincé, bien sûr, dans les embouteillages, Jean-Claude en profite pour inspecter l'intérieur de sa caisse. Il la trouve nickel. Et comme tous les amoureux de leur bagnole, il se met à parler à Titine. Je t'aime le lundi. Le mercredi et les autres jours aussi. Je t'aime en janvier, février, mars, avril. Je t'aimerai toujours, mon amour fragile. Jean-Claude finit enfin par retrouver Monique. Monique, elle, exige que ce soit elle qui prenne le volant. Oh là là, Jean-Claude, il n'aime pas ça. Mais bon, il cède, il redoute la scène de ménage. C'est donc Monique qui va conduire, mais très vite. Le naturel de Jean-Claude reprend le dessus. Thierry, passe une vitesse. Ah oui. Je passe la première. Voilà. Tu passes la première et tu cales. Ah oui, mais... C'est parce que c'est pas facile, les pieds. On n'est pas rendu. Mais après, je sais. Bah, si tu veux, je te la démarre, et puis dès que la vitesse te convient, tu te mets au volant. Mais écoute, tu me stresses, tu me dis que tu me laisses faire et puis tu commentes tout. Bon, excuse-moi chérie, je te laisse faire. Allez. T'as vu? C'est bien, hein? Je vais doucement. Je suis à 60. Essaye la seconde pour voir. Oui. Troisième. Oui, oui, oui, doucement, doucement. Quatrième. J'aimais bien la troisième. Les voilà donc en route tous les deux pour leur dîner et même si Jean-Claude sent bien que son ulcère se réveille, ils se racontent l'un et l'autre leur journée au boulot. Après une bonne dizaine de kilomètres, Jean-Claude est un peu plus détendu. Quand tout à coup, il aperçoit devant eux, à 300 mètres, quelques faisceaux de lampes électriques et un gyrophare bleu. Ça y est, manquait plus que c'est les flics. Jean-Claude les insulte, planqué dans sa bagnole, alors que Monique panique. J'ai pas lavé la voiture, j'ai laissé les éraflures. J'ai pas refait la peinture, et voilà les flics sont là. J'ai pas bouclé ma ceinture, j'ai mordu sur la bordure. Je roulais à vive allure, on va voir s'ils sont sympas. J'ai pas lavé la voiture, j'ai laissé les éraflures. J'ai pas refait la peinture, et voilà les flics sont là. J'ai pas bouclé ma ceinture, j'ai mordu sur la bordure. Je roulais à vive allure, on va voir s'ils sont sympas. En réalité, il s'agit d'un accident de la circulation et les gendarmes n'arrêtent donc personne, ils sont présents uniquement pour gérer le flux des voitures. En passant devant les gendarmes, Jean-Claude leur fait un petit sourire tout en les insultant à nouveau. Monique est soulagée, mais elle a les jambes en coton. Elle a eu peur, ce qui fait que sa conduite est un peu moins sûre. Du coup, alors qu'ils arrivent sur un passage à niveau d'une voie ferrée, Monique cale, ce qui exaspère Jean-Claude. Monique lui demande de se calmer immédiatement, sauf que Jean-Claude, lui, il lui dit à Monique « Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train, c'est triste, un train qui siffle dans le soir. Exaspérée par cette blague minable et par la misogynie de Jean-Claude, Monique descend du véhicule Furax et laisse le volant à son copilote. Jean-Claude, lui, il est plutôt satisfait. Ils reprennent donc la route sans un mot. Alors qu'ils sont déjà très en retard pour ce dîner, Jean-Claude constate tout à coup que sa bagnole se met à tousser. Monique s'inquiète et, très agacée, questionne Jean-Claude qui lui répond « Oh, ne te mets pas en colère, il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. » C'est vraiment la mouise. Il est 21h, il fait froid, il fait nuit et ils sont en panne d'essence à l'entrée d'une petite bourgade paumée et déserte. Jean-Claude aperçoit alors un vieux monsieur qui longe le trottoir. Il baisse sa vitre et interpelle ce vieux monsieur pour lui demander où se trouve la station-service la plus proche. Le vieux se retourne et indique à Jean-Claude la direction. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Jean-Claude comprend très vite que le vieux est fou. Mais miracle, un panneau indique qu'à la sortie du village, sur la Nationale 7 justement, se trouve une pompe à essence et visiblement elle est encore ouverte. Monique et Jean-Claude vont donc pouvoir faire le plein et sont même accueillis avec beaucoup de chaleur. Cela dit, Jean-Claude a payé très cher son essence et se dit qu'il ne reviendra plus jamais chez eux par hasard. Monique, elle, est toute heureuse d'avoir pu résoudre cette panne aussi facilement. Ils pourront tout de même aller à ce dîner. Du coup, son humeur est plus légère. Cette petite aventure la replonge dans certains souvenirs de jeunesse dont elle fait profiter Jean-Claude. Tu te rappelles notre première randonnée dans notre première voiture, notre vieille MG ? Pour lequel de mes anniversaires te l'étais-tu offerte ? Ou était-ce notre premier anniversaire ? Peu importe, nous roulions pour le plaisir, sans savoir où menait la route. Deux gosses, sans aucun problème. Fais ta prière, c'est pas du tout cuit. Ainsi, ils reprennent à nouveau la route. Encore quelques kilomètres, et Monique et Jean-Claude vont enfin arriver chez leurs amis. Fin de l'histoire. Durant les quelques minutes qui les séparent de ce dîner, Jean-Claude demeure silencieux et songe en effet à cette époque dorée de sa jeunesse où il conduisait une vieille MG et draguait les filles dans les embouteillages nonchalants sans jamais s'énerver. À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus. Les gens se bousculent. Tiens, encore un rendez-vous raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme. Du calme. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde les jets d'eau. Il y a du soleil, bip bip. Oh, n'effrayez pas les petits oiseaux. Bip boulé, bip boulé. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron. Elle fume le cigare, elle a des tout petits yeux tout ronds. Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner. Il y a du soleil, bip bip. Oh, vraiment, je ne suis pas pressé. Bip boulé, bip boulé. Mais la fille d'à côté, en voiture décapotée, d'un air exaspéré, me fait signe d'avancer. Mais c'est déjà trop tard, encore un peu vers le passé. Elle a des yeux, bip bip. Où elle est prête à me fusiller, bimoulé, bimoulé. Ça fait plus d'un quart d'heure que dans la circulation. Je voudrais bien lui faire un peu de conversation. Mais c'est la pluie d'orage qui vient tout arranger. Il pleut des sauts, bip bip. Où la pluie lui tombe sur le nez, bimoulé, bimoulé. Elle est désemparée, qu'elle est belle sous la flotte. Je vais aller l'aider à remettre sa capote. Bientôt dans son abri, la voilà qui me sourit. Je suis trempé, bip bip. Oh, j'ai l'air d'un bon gros chien mouillé, bip boulé, bip boulé. Et voilà le feu vert qui vient de se rallumer. Je passe la première et chacun de son côté d'un signe de la main. Au revoir et à demain. Ouais, ouais, ça va, hein. Il fera soleil, bip bip, balap, boulou, bip boum, bip boulé, bip boulé. Bye bye. Bip bip, chanson de 1966 interprétée par Joe Dassin et qui fut son premier succès sur un album intitulé Je change un peu de vent. Pourquoi bip bip? Tout simplement parce que c'était l'occasion de passer un Joe Dassin en intégralité dans cette émission. Voilà. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans l'univers de la bagnole, du fardier de Cugnot à la Porsche de James Dean, de la panne d'essence au carburant qui flambe, de la banquette arrière au petit sapin désodorisant. Nous t'avons dressé un panorama subjectif de la voiture au cœur de ta vie. Tu le sais, la voiture, semble-t-il, est devenue incontournable dans nos sociétés contemporaines. Imaginez par exemple vivre aujourd'hui sans voiture quand tu as des enfants, c'est quand même tout de suite très compliqué. Mais pour clore notre panorama, il faut tout de même évoquer les désagréments de la bagnole. Parce que la voiture, c'est aussi des gaz d'échappement à hauteur des poussettes, des centres-villes saturés, 5000 morts par an. Et puis, pour Nicolas Sarkozy, le premier désagrément de la voiture, c'est que c'est un très bon combustible en banlieue. Par ailleurs, pendant longtemps, le bon sens populaire machiste a véhiculé l'idée suivante. La femme au volant, la mort au tournant. Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, les femmes conduisent massivement et ont moins d'accidents que les hommes. Et surtout, quand tout le monde picole, ce sont souvent les femmes qui ne boivent pas pour ramener la spala à la maison. Dans les bagnoles aujourd'hui, c'est la femme qui conduit. Le monsieur roule les yeux de veau pendant qu'elle pilote son auto. Il a l'air très embêté, assis à ses côtés. Et quand elle serre les freins, il sert autre chose sans entrain. Il lui faut du courage lorsqu'elle prend ses virages. Quand moi, j'en vois une belle au coin d'un bois qui fond sur moi vivement. Je ne me fâche pas, mais galamment, je lui fais pouet-pouet, elle me fait pouet-pouet, on se fait pouet-pouet, on s'est compris. Alors maintenant, pour finir, la panique au Mangin Palace va te dévoiler en exclusivité mondiale les nouveaux modèles de voitures qui s'annoncent en 2006. Alors, pour commencer, le monde de l'automobile attend avec beaucoup d'impatience le nouveau 4x4, à savoir le Shiraki 2006, un véhicule diesel tout-terrain hors norme qui résiste au temps, capable d'aller un coup à droite, un coup à gauche et au centre. Dans la même gamme que le Shiraki, on a un modèle disponible en grosse berline luxueuse, à savoir la Vilpine 2006, un véhicule aussi à l'aise sur la route que dans les salons, avec en option poésie électrique et brushing automatique. La grande rivale de la Vilpine sera sans doute en 2006 une petite citadine teigneuse qui bouffe du carburant, la Sarkozette, avec turbo et option toute sécurité intégrée. Chez les concurrents, on attend avec beaucoup d'impatience la Ségolène Break, une voiture qui nous vient de Hollande, une familiale avec GLEPS intégré et les freins APS. Bon, bien sûr, comme tous les ans, on trouvera également une gamme moins onéreuse, la Focke London, un utilitaire en passe d'équiper toute la ville de Paris. Et puis, on nous annonce chez MG Buffett, la petite dernière, un modèle révolutionnaire, paraît-il en réalité une Trabant customisée avec direction centralisée. En attendant de choisir un de ces nouveaux modèles, on peut toujours se rabattre sur une bonne vieille tire d'occasion, un bon vieux Renault par exemple. Laver les roues arquées, un peu comme j'ai les jambes, sur le toit et sous le capot, laver les deux bandes blanches, le volant en faux bois, les banquettes en vrai sky, le klaxon qui jouait le pont de la rivière Kouai, des délaver, faire peindre en bleu métallisé. Il disait que ça lui rappelait le ciel de son pays. On n'a jamais bien su où que c'est qu'il était né, vu qu'il était menteur comme tous ceux de sa race. Dans la tire à Dédé, j'en ai fait les virer. Quand j'y repense aujourd'hui, sur ma mob, je m'ennuie. Un bon vieux Renault pour terminer une émission sans la voiture, c'est pas mal. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace. Merci beaucoup à Xavier Mauduit, Marco Mutel, Amel Caldi, Catherine Pinto, les deux techniciens qui sont Olivier Daligo et Eric Morin. Voilà, merci aussi à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Pour toutes les informations complémentaires, vous avez la Panique au Mangin Palace sur le site internet. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.